Vraiment, si je devais déménager, j'allais, ouais. Comme je te dis là. Si je déménage ici, après Dieu me dit qu'il va à Koto alors. Ceux qui ne viennent pas là-bas. Tu dis? Il dit si je déménage, je ne viens pas ici, il va habiter. Et puis, Dieu ne veut pas encore arrêter à Koto. Toi aussi, déménage encore pas là-bas. Non, je veux une cellule, c'est qui est sûr. Tu vas établir, tu vas dire que non, ma soeur. Que Dieu me bénisse. Amen. On va voir quelques missions de moi. Comme il n'y a pas la vidéo dehors, la vidéo est là, tout à fait là. Comment ça peut mettre aussi bien? Vous avez laissé des questions, n'est-ce pas? Par exemple. Maman Hélène, du courage. Le Seigneur te fortifie. Bonsoir. Prions alors. Cette fois-ci, est-ce que ça fait mieux? Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants de ce que tu nous as élus avant la fondation du monde. Reconnaissants de ce que, Père, tu nous as accordé la grâce de sortir de la boue du monde, du péché et de te suivre. Reconnaissants de ce que tu as permis que nous entendions ta voix, car c'est une grâce de l'entendre. Et de, surtout de reconnaître que c'est toi qui nous appelles à sortir de la boue pour te suivre dans la sainteté. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tous ces enseignements que tu nous accordes, pour toutes ces révélations d'ordre du livre que tu nous donnes pour nous former afin que nous soyons prêts pour ce grand jour que tous les saints ont aspiré voir. Merci Père de gloire, que nous avons élu que nous soyons candidats à cet appel la paix. Donne-nous de nous affirmer aussi et de passer notre temps, Père de gloire, à affirmer notre vocation et notre appel. Merci Père pour ma soeur, merci pour mon frère. Alors que nous sommes rassemblés maintenant, Père, nous comptons sur toi, Père, afin que tout manquement en nous, Père de gloire, tu les combles, que notre faiblesse, Père de gloire, tu nous soutiennes, que tout péché qui réside en nous, notre désobéissance, Père, que tu nous en délivres. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Donne-nous un cœur obéissant, sanctifie nos cœurs, Père de gloire, et plonge ta parole dans notre cœur afin qu'elle fasse la joie de notre âme, qu'elle nettoie notre âme et qu'elle scelle notre âme toujours de marcher dans l'obéissance et dans la vérité. Conduis-nous maintenant, Père de gloire, dis-nous, je nous joie dans ta parole, par ton esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Question. Mon frère, si tu prends mon téléphone derrière toi, là, c'est ma Bible. Il y a la Bible. Oui, mais... tout petit. Voilà. C'est choquant, n'est-ce pas? C'est qui, c'est quand on entend, n'est-ce pas? C'est... Vous allez bien? Oui, c'est fort. Non, c'est fort. C'est édifiant. Notez Jacques, chapitre 2, verset 21. Jacques, chapitre 2, verset 21. Vous y êtes. Vous y êtes. Notez, notez, parce qu'on va traiter, on va travailler maintenant. Notez les versets qu'il donne. Mm-hmm. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Verset 9. Apocalypse chapitre 3, verset, chapitre 8, verset 3. Apocalypse chapitre 8, verset 3. Apocalypse chapitre 8, verset 5. Apocalypse chapitre 9, verset 13. Allez-moi, je vais mettre là-bas. Vous avez noté Apocalypse chapitre 9, verset 13. Apocalypse chapitre 11, verset 1. Apocalypse chapitre 11, verset 1. Apocalypse chapitre 14, verset 18. Apocalypse chapitre 16, verset 7. Hébreux, chapitre 7, verset 13. Hébreux, chapitre 9, verset 4. Hébreux, chapitre 13, verset 10. Vous entourez ceci. 13, verset 10. Entourez donc ce dernier verset-ci. Oui, le français 13, c'est-à-dire Hébreux chapitre 13, verset 10, on va s'atteler là-dessus. Vous voulez noter, n'est-ce pas? Romains, chapitre 11, verset 3. Un Corinthiens, chapitre 9, verset 13. Corinthiens chapitre 10 verset 18. Actes chapitre 17 verset 23. Entouré également sans va toucher. Actes chapitre 17 verset 23. Donc, entouré, j'ai demandé d'abord que vous entourez Hébreux chapitre 13, verset 10. Entourez également 1 Corinthiens 9, verset, je vous ai donné 1 Corinthiens 9, verset 13. Entourez cela. Et puis vous entourez aussi Actes chapitre 17, verset 23. D'accord? Ces trois-là, on va travailler. Prenez le livre de Luc, chapitre 1, verset 11. Luc, chapitre 1, verset 11. Chapitre 1 de Luc, verset 11. Luc chapitre 11, verset 51. On avance. Matthieu chapitre 5, verset 23 et 24. 23 à 24. Vous y êtes? Toi, la sœur a écrit Matthieu entièrement. Tu as écrit M-A-T, 1 Corinthiens 1 C-O-1. Ok. Matthieu, chapitre 23 maintenant, verset 18. Et 19. Bon, 18, 19, 20. Oui. Matthieu 23, 18, 19 et 20. Puis 35. 18, 19, 20 et 35. Et 35. Entre le 35. Là, ce sont les versets. Hein? Oui. Donc, chapitre 23, non? 18, 19, 20 et puis 35. Entre le 35. Alors, vous venez d'avoir là les 23 passages dans le Nouveau Testament et dans Matthieu, Marc, Luc, où on parle de l'autel, où le mot autel figure. Je vous les ai donnés totalement de Matthieu jusqu'à Apocalypse. 23 fois que le mot autel figure là-dedans. 23 fois, d'accord? Les 23 fois. 23 fois où le mot autel figure dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. On avance. On t'attend, n'est-ce pas, frère? Alors, la question c'est, tu entends chaque fois pupitre, hôtel. Venez à l'hôtel, n'est-ce pas? C'est quoi dans le haut? L'hôtel. Vous savez, le niveau où on se situe maintenant, c'est les questions que vous allez poser, ce sont les questions que vous aurez dû vous poser depuis. Mais comme la clarté du Seigneur en est arrivée au fur et à mesure, vous commencez à voir maintenant qu'il est nécessaire de vous poser des questions sur des choses. Comme on a trouvé hôtel là comme ça, il va falloir maintenant regarder l'hôtel, ce que la Bible appelle par hôtel et ce que les gens appellent maintenant par hôtel. Pour cela, il faut qu'on aille dans la Bible, on va regarder ce que la Bible parle de l'hôtel là-bas. Je vous ai demandé d'entourer. Mais quand on n'a pas tout lu, lorsque vous aurez le temps, donc, prenez verset après verset du début jusqu'à la fin. Donc, comme on a classé là, lisez Matthieu en avançant, vous allez voir de quoi il est question. Dans le premier passage, j'ai pris du dernier vers la fin. Dans le premier passage, c'est Matthieu normalement, parce qu'on commence par Matthieu pour aller à Apocalypse, d'accord? Et commencer par Jacques. Dans le premier passage, c'est-à-dire le dernier, ce que je vous ai donné à Matthieu, chapitre 6. Alors, il est donné Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 23, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui suit? Chapitre 5, verset 23. Mm. C'est ça, non? Oui. Chapitre 23, voilà. Dans ce Matthieu chapitre 5, le Seigneur Jésus parle de lorsque tu offres une offrande. Si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, dépose d'abord cela et va te le concilier. Il dit quand, lorsque tu es devant l'autel pour offrir ton offrande, dépose cela et là, va d'abord te le concilier vers la personne. La question maintenant c'est pourquoi on offrait une offrande à l'autel? Donc ça veut dire que l'autel c'est un lieu où on venait avec une offrande. On apportait des prières. Par exemple, si vous lisez le verset 35, prenez ce Matthieu chapitre 23, le verset 35, le Seigneur Christ dit là, parlant des différents sacrificateurs et des prophètes qui ont été tués entre. C'est pas chargé? Qui ont été tués entre le temple et l'autel, c'est ce que le Seigneur Jésus dit. Donc, vous avez vu Matthieu chapitre 23, verset 35. Je vais lire. Donc, vous avez les versets avec vous. Au fur et à mesure que ça va venir, vous lire. On va voir. Vous y êtes. Chapitre 23. Parce que chapitre 23, j'ai donné plusieurs versets 18, 19, 20, puis 35. Donc lisons ces versets-là doucement. Regardons ce que Joseph a dit. Et là, il a parlé de la malédiction aux pharisiens. Oui. On prend d'abord 18. Oui, 18 avant d'y arriver. Verset 18. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel. Vous savez, donc pouvez, les pharisiens disaient que si on jure par l'autel. Donc, on va prendre un exemple. L'autel, c'est un lieu où on doit offrir des sacrifices. Oui. L'autel, on prend l'autel comme cette table-ci. Les pharisiens, eux, disent, parce que, à présent, à supposer que cette Bible, ce que j'ai déposé là-bas, c'est un sacrifice que j'ai apporté à l'autel. Oui. Donc, voici l'autel. Oui. Voici le sacrifice. Oui. Écoutez très attentivement. Oui. Il doit y avoir trois notions ici. Il doit y avoir cet autel-ci, le sacrifice-ci et la personne à qui c'est destiné. Oui. Parce qu'il y a une personne spirituelle auquel les sacrifices sur cet autel sont destinés. Oui. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Oui. Alors, ici, dit, verset 18, « Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. » Vous voyez comment les gens détournent les choses, n'est-ce pas? Donc, alors, frère, je... Oui, frère. C'est vrai que, ici, là, c'est écrit « offrande », n'est-ce pas? Oui. Mais tout à l'heure, en représentant, bon, je comprends, mais je souligne ça pour que nous comprenions. Oui. On parlait du sacrifice. Oui. Donc, offrande et sacrifice, nous ne oui. trouble pas. Ok. Bon, enfin, c'est vrai qu'il y a l'offrande là-bas, il y a le sacrifice aussi. Voilà. D'accord, parce que même les sacrifices sont mis sur l'autel. Okay. Donc, parce qu'on va passer tout cela. Dans, ouvrons rapidement pour voir avant de vous effacer la notion rapidement. Je vous ai donné ça à Romains chapitre 11, verset 3. Je crois bien. Je vous ai donné Romains, n'est-ce pas? Chapitre 11, verset 3. Non, ça c'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, je vais donner deux passages dans 1 Corinthiens. Verset non, le deuxième. 10, verset 18. 18, ça va se retrouver là-bas. Romains 11. Ouais, celle-là, elle arrêta comme le dimanche. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset quoi? 18, c'est ça, ça va? Regardez ce qu'il dit là-bas. Voyez les Israélites selon la chair. Oui. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Vous avez vu, n'est-ce pas? Ceux qui mangent les victimes. Oh, les victimes qu'on mange, ce sont les sacrifices qu'on venait. C'est-à-dire qu'on venait, on sacrifiait, par exemple, le bœuf. C'est-à-dire que ça, ce sont les victimes. Ils mangent cela. Parce qu'on a offert ça là-bas, d'accord? Donc, et là, lorsque tu vas te manger, on dit qu'ils sont en communion avec l'autel. On va y revenir maintenant. Alors, dans ce livre de Matthieu, chapitre 23, donc on parle de, ici de l'offrande, parce que ce sont les offrandes qu'on venait de les déposer sur l'autel. Et là, Jésus venait reprocher quelque chose en disant que, il dit qu'en fait, s'ils jurent par l'autel, ils ne sont pas engagés, mais s'ils jurent par l'offrande qu'ils doivent faire sur l'autel, ils sont tenus d'engager, parce que les gens vont venir, ils s'attendent à ce qu'on apporte l'offrande. Jésus venait les amener à la raison en disant que vous pensez que qu'est-ce qui est plus grand, l'offrande qu'on met sur l'autel ou l'autel, ou bien l'autel. Arrêtez, et si l'autel est grand, ça suppose que c'est la personne, parce que l'autel c'est un objet. Alors c'est la personne, ou bien appelons ça en son nom, la divinité qui se trouve derrière. Parce que derrière un autel se trouve une divinité. Il faut que ça soit bien clair. Derrière un autel se trouve, merci Père, merci pour tout ce que tu fais. Derrière un autel se trouve une divinité. Donc si tu manques, s'il arrive qu'il y a un autel déjà dressé quelque part, si ce n'est pas Dieu, il y a un autre Dieu là-dedans. Si ce n'est pas le Dieu de la Bible, alors un autre Dieu, tu es en train de te prosterner devant un autre Dieu. Tel que ce n'est pas le Dieu d'Israël. On se comprend, n'est-ce pas? Alors maintenant, ici, on va y revenir là en plus clair. Parce qu'en réalité, ce qu'on vient de lire là dans 1 Corinthiens 10, verset 18, dit que voyez les victimes, les Israélites qui mangent les victimes qui sont offertes à un autel. Ils sont en communion avec l'autel. Donc, par conséquent, en communion avec celui qui est derrière, le Dieu qui est derrière l'autel. Sinon, pour cela, il y a des débats des cultes de mort avec le truc qu'on offre sur un autre sacrifice. Et quoi qu'il faut qu'on. Merci Seigneur, on va voir. Allons là-bas. Allons dans 1 Corinthiens 10. Ah mon Dieu. Oui, on va prendre là-bas. Avant d'arriver à ces verset 10, regardez. On avance. Oui, on y était tout à l'heure. Regardez, verset 18 encore. Voyez les Israélites, selon la chair, donc les gens de la nation d'Israël. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Vous avez vu cela? Et puis, que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose, et nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des. Donc, ça veut dire que si vous pars dans un hôtel où on a sacrifié quelque chose, il a pas dit que si on sacrifie encore quelque chose maintenant, on sacrifie pour les démons. Et il dit qu'il ne veut pas qu'on soit en communion avec les. Parce que si tu pars à cet hôtel-là et qu'on en a des sacrifiés encore, forcément, tu en es d'adorer un démon. Donc il est question que les chrétiens comprennent notre temps, parce qu'il écrivait sur le Nouveau Testament ça, aux chrétiens qui ne ratent pas l'autel sur lequel ils sont en train d'adorer. Donc on peut poser la question, sous quel autel adores-tu? Ou mieux encore, qui adores-tu sur ton autel? Ce sont des pasteurs qui construisent des estrades hauts là-bas et qui savent qu'ils ont mis là-bas. D'autres ont enterré les bébés, d'autres ont enterré les fétiches, d'autres ont enterré les canards, d'autres ont enterré les bœufs, d'autres ont enterré les choses sur le sang. Mais le problème, c'est que c'est masqué avec les fleurs, couvert avec des tapis, arrangé avec des sonorités et autres. Mais au-dessous de lui se trouve donc, et bien derrière cet autel se trouve donc les sacrilèges, les démons. Mais le problème, c'est qu'on a entré dans aucune des églises, ce qu'on appelle église, en train, on allait une fois nulle part, on a écrit que église des démons, jamais. On est venu nulle part, on a dit que ici, sur le pupille, nous adorons Satan, jamais. C'est le nom de Jésus-Christ qui sera présenté, mais derrière, c'est toujours le nom des démons. La Bible dit que vous faites attention de peur de manger ce qui est sacrifié aux démons. Il dit, oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Puis il dit, verset 21, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Vous avez suivi cela? Alors, l'autel donc devient un lieu de communion. L'autel, tel que défini mot à mot, c'est un lieu de communion, un lieu d'échange entre le spirituel et le naturel. C'est le point de rencontre, c'est le carrefour des échanges entre le spirituel, celui qu'on adore, et le physique, celui qui vient adorer. Voilà ce que c'est que l'autel. L'autel est le carrefour ou bien le lieu de rencontre, le lieu d'échange. Entre le spirituel et le physique, entre celui qu'on adore et celui qui adore. Celui qu'on adore et celui qui adore. Celui qui adore. Pour être très simple dans la définition. Pour être très simple dans la définition, l'autel représente l'une des portes les plus puissantes pour la porte de l'au-delà, pour l'au-delà. L'autel représente l'une des portes les plus puissantes pour l'au-delà. Devient donc la porte d'entrée, la porte de sortie, ou la porte, la grande porte de l'autre monde. Alors, on voit quelque chose, Satan ne peut pas faire quoi que ce soit par lui-même, il faut qu'il voit le Dieu faire. Dans l'Ancien Testament, j'ai seulement touché, je ne vais donner aucune écriture de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, pêle-mêle, il y en a l'autel. Je vais donner ça dans le Nouveau Testament, et Matthieu, Marc, Luc, là, c'est sur 23 fois seulement. Et parmi les 23 fois, donc, on réalité beaucoup de choses par rapport à ce qu'Édia dit dans l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament, donc, on va voir, si on va dans l'Ancien Testament, on va voir comment l'autel est utilisé. Et les mondains, c'est-à-dire que les gens qui servaient des dieux étrangers avaient leur autel. Les autres aussi avaient le Dieu d'Israël avait son autel. Vous voyez, n'est-ce pas? Et l'autel, donc, était dans le lieu de sacrifice. Et là, maintenant, dans notre culture, chez les Bamiléki, par exemple, on appelle cela les hauts lieux. Le haut lieu, c'est-à-dire qu'il y a des lieux de sacrifice dans le village. On dit par exemple qu'ici on sacrifie, on met l'huile. Il y a même des pierres qu'on dépose, on verse l'huile là-bas. Quand on va au village, d'autres ont des maisons où il y a, c'est le haut lieu, des chambres où on a enterré les crânes des gens pour faire le haut lieu. Et je me vois effectivement que là où il y a le crâne, la personne vient et met l'huile. On amène quelqu'un, et il y a quelqu'un qui l'amène là, il parle à cet hôtel. Et dès que grand-père, Dieu, nos ancêtres, nous venons comme ça pour vous apporter la nourriture. Donc vous voyez que ça devient le lieu d'échange entre les esprits qui sont derrière et cela. Et ceux-ci appellent cela ancêtre. Donc ils sont consacrés au service de ces gens-là qu'ils appellent ancêtres. Ouais, n'est-ce pas? La question maintenant, la plus grande, c'est que le chrétien, maintenant, a-t-il un lieu appelé hôtel? Ça, c'est la bonne question à poser. Manifestement, non, parce qu'aucun des versets qui parlent des hôtels là-bas ne dit cela. Manifestement, non. Parce qu'aucun des versets que nous avons lu dans le Nouveau Testament, que nous avons donné et cité dans le Nouveau Testament, ne dit que le chrétien a sur la terre un lieu consacré à ce service, à ces charges, où il peut rencontrer le Seigneur. Parce que le lieu de rencontre entre le Seigneur et nous maintenant, ça se situe sur le cœur. Alors la question est tout naturelle. Ce que les pasteurs appellent autel, qui se trouve derrière, si Dieu ne l'a pas ordonné. Ça devait faire à réfléchir. Parce que nous avons convenu que derrière l'autel se trouve un esprit, un objet d'adoration. Et ça doit être ordonné, si c'est pour Dieu, ça doit être ordonné selon son ordre. Si ce n'est pas fait selon son ordre, ce n'est pas lui qui est là. Nous sommes d'accord. Ça fait peur, pas vrai? Ça me fait réfléchir, c'est que à l'Ancien Testament, oui. Quand le Seigneur avait donné le plan, oui. Comment est-ce qu'on devait construire le temple? Oui. Il avait donné les mesures et tout. Oui. Comment est-ce qu'on devait construire le temple? Oui. Et même le thème. Oui. Était conçu. Oui. Mais bon, et toujours dans l'Ancien Testament, quand je vois, quand Jacob voyageait, Quand Dieu apparaissait, il construit l'hôtel Gilgal, Bethel, voilà. Ainsi de suite. Oui. Voilà, à chaque arrêt, il y avait toujours l'hôtel. Oui, que lui construisait, parce que c'est un prophète, il sait ce que Dieu allait faire. Et ces lieux ont été ont désigné maintenant les lieux de rencontre où Dieu a donné. Il mettait les bornes dans le plan de Dieu, comme on peut dire. Il marquait les territoires de Dieu. C'est un homme ne se lève pas un de ces quatre matins pour aller construire n'importe quoi. Il le faisait parce qu'il prophétisait. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il dit ici, écoutez très attentivement, je vais prendre l'un de ces plans-là, de ces points. Il rencontre Dieu quelque part, il dit que voici la maison de Dieu. Il nomme cela, il met un autre mot, on appelle ça Bethel. Bethel. Bethel, la maison de Dieu. Après, plus tard, vous entendez que Jésus-Christ va naître à Bethléem. Bethléem. Bethléem. La maison du pain de Dieu. La maison qui produit le pain de Dieu. Jésus vient et dit, je suis le pain qui est descendu du pain de Dieu. Il faut qu'il naisse là-bas. Donc ce sont des prophéties. Les noms ne sont pas donnés au hasard. Vous me suivez? Mm-hmm. Mais Junior, là où il avait prophétisé que Bethel, c'est là où Jésus est né. Non, je voulais vous donner seulement un exemple. Que Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Maintenant, allons dans le livre d'Amos et voyons. Amos. Prophète Amos. Que Dieu vous bénisse. Donc, la question c'est, les chrétiens sur la terre ont-ils un lieu appelé hôtel, un lieu physique appelé hôtel où ils doivent adorer? C'est que franchement, ça n'a pas encore quitté Jérusalem physique. Vous êtes dans Amos. Chapitre 5 d'Amos. Amos, notez d'abord le chapitre 4, verset 4, puis le chapitre 5, verset 4. On va lire. On y va. On doit répondre à ces questions-là et on va sortir en se regardant droit dans les yeux pour nous dire les vérités. Amos chapitre 4, verset 4 dit, allez à... Vous y êtes. Tu as ouvert là. À la page 908 chez toi. 908. Oui. Amos combien? Chapitre 4, verset 8, verset 4. Vous y êtes. Allez à. J'ai bien dit 908. Surtout où la page 908 sera exactement là où je suis. 908. 908. Oui. Allez à Bethel. Et péchez. Vous avez vu ça? La sœur qui est devant moi n'a pas encore ouvert la Bible dans le livre. Mon téléphone n'est même pas chargé. J'ai pas vu l'endroit. C'est verset combien? Verset 4 du chapitre 4. Allez à Bethel. Je vais vérifier qu'elle soit dans les listes. Elle a devant ça, devant elle, je ne sais pas comment. Vous avez le chapitre 4 devant vous. Alors, chapitre 4 devant vous. Oui. Le verset 4 du chapitre 4. Oui, voilà. Où est ça? C'est là. Vraiment. Lisons. Allez à Bethel et péchez. Continue encore. Allez à Gilgal. Oui. Et péchez. Et péchez davantage. Oui. Continue. Oui. offrez vos sacrifices chaque matin. Oui. Et vous dites tous les trois jours. Puis il dit, faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur des Éternels. Bon, je vous ai toujours reprendre ça parce qu'il a dit à Bethel, et à Bethel, il y a Gilgal. Donc ce sont deux lieux qui étaient le haut lieu où il y avait l'autel. Il voulait dire aux enfants d'Israël, ok, quand vous aimez tout le monde, vous aimez pécher, allez à la maison de Dieu, continuez à pécher, vous aimez. Ils offrent les dîmes, ils ne comprennent pas que les offrandes qu'ils donnent là, il y a, oui, on a offert les offrandes, on a fait ça, mais on doit fuir le péché. Il dit, péché dans ce que vous aimez. Il croit peut-être qu'en donnant les offrandes, donnant les dîmes à Bethel, le fait que tu sois à Bethel, ça montre que notre conduite à la maison de Dieu, il n'y a pas besoin. Ils ne savent pas qu'effectivement qu'il faut vivre dans la vie conséquente. Maintenant, allons-y au chapitre 5 maintenant, verset 4. Le suivant. Chapitre 5, c'est toujours à droite là. Mm-hmm. Quand ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas les hôtels. Mm-hmm. Ne cherchez pas Bethel. Bethel, voilà. Bethel. Uh-huh. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba. Car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Mm-hmm. Cherchez l'Éternel et vous vivez. Craignez qu'il ne ressaisisse, ni saisisse comme un feu la maison de Joseph et que le feu ne dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. D'accord? Alors, Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit encore une fois de plus? Si Dieu veut montrer, ce sont des prophéties qui sont écrites, il dit cherchez-moi et vous vivrez. Si on prend ça dans notre époque, vous changez le nom Bethel, Gilgal, Beersheba, en catholique, protestant, pentecôtiste, il dit cherchez-moi et vous vivrez. N'allez pas à l'église catholique. N'allez pas à l'église protestante, n'allez pas à l'église pentecôtiste. Racheter de Dieu. Il dit cherchez-moi. Les êtres humains cherchent des institutions. Ils cherchent des lieux au lieu de chercher Jésus, de le chercher lui-même. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors, dans Jean chapitre 4, quand le Seigneur Jésus va venir, les mêmes problèmes vont se poser. Quand vous lisez l'histoire dans Jean chapitre 4, l'histoire de la femme samaritaine qui venait au puits puiser l'eau, qui avait commencé à causer avec le Seigneur Jésus Christ, il dit que je vois que tu es prophète. Il dit que nos pères ont bu sur cette, ont adoré cette montagne-ci. Mais vous, les Juifs, vous dites que c'est là-bas à Jérusalem qu'il faut adorer. Il dit que nos pères adorent sur cette montagne. Sur cette montagne. Donc, l'hôtel se trouve sur cette montagne, le point de rencontre. Il dit, vous dites, c'est à Jérusalem. Or, je crois dans un enseignement que nous avons partagé ici, nous avons vu que Dieu avait un lieu où il avait fait résider son nom. Ce lieu-là devient le lieu de rencontre, bien le grand hôtel des dieux. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Alors, cette femme-là dit au Seigneur Jésus-Christ que vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Jésus leur dit, il dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous encore connaissons. Et il veut dire, même sur ce plan-là, nous avons raison. Parce qu'en réalité, Jésus avait raison de lui dire que nous adorons ce que nous ne connaissons pas. Le salut vient des Juifs. Parce que ce sont les Juifs qui avaient reçu les lois de témoignage. Et dans ces lois de témoignage, Dieu avait dit, dans ton peuple, quand tu seras entré, il y aura un lieu. Il y aura un lieu où je vais choisir pour y faire résider mon nom. Et c'était à Jérusalem, la ville du grand. La vie du grand roi. Donc, le salut vient des Juifs. Donc, ça veut dire que sur cette base-là, les Samaritains n'avaient pas raison parce que Dieu n'avait pas choisi la montagne de Samarie pour le faire. C'était à Jérusalem, le lieu de résidence du Seigneur. Alors, Jésus donc dit que, ok, et l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Amen. Ça devait régler le problème. Ça devait régler toute contestation. Donc, il n'y a pas un lieu de prier quelque part avec l'heure qui est venue. Parce que ici, c'est l'adoration en esprit. Et l'adoration en esprit n'est pas l'adoration en un lieu. C'est dans l'adoration interne dans notre lieu saint qu'il a prouvé pour nous, où on peut entrer à tout moment sans ambiguïté. C'est quel passage biblique? Laquelle? Que les vrais adorateurs. Jean chapitre 4, tu notes le verset 25 à 30. Tu dis le chapitre 20 à 25. Le Jean 4, verset 20 à 25. C'est merveilleux, pas vrai? C'est merveilleux. Voilà. Jean 4, verset 20 à 26. C'est comme ça, c'est toujours un contenu là-dedans. On avance. Alors, si on prend les deux sacerdoces qui se trouvent pour les Juifs et l'Église, sur le sacerdoce lévitique se trouvait dans l'autel. L'autel que Dieu, selon que Dieu avait désigné pour eux, comme elle a dit, dans la construction du temple. Et on a vu cela, ça se trouve dans Matthieu 23, le verset 35, où le Seigneur Jésus a dit qu'il sera demandé à cette génération si le sang de tous les prophètes, depuis Abel jusqu'à Zacharie, fils de Bérékia, qui a été tué entre le temple et l'autel. Donc, entre le temple et l'autel. C'est ce que Jésus a dit dans Saint Matthieu, chapitre 23, le verset 35. Alors, donc, il y avait donc un temple et par contre un autel pour l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, la question c'est où se trouve l'autel? Parce qu'on a convenu que dans l'ancienne alliance, Jésus est le souverain sacrificateur. Dans l'ancienne alliance, il y avait le sacrifice, le sacrificateur, le temple. Et que dit temple? Dit lieu où on offre le sacrifice, c'est-à-dire l'autel à l'intérieur du temple. Nous sommes d'accord? Alors, la question maintenant, c'est dans la nouvelle alliance, Jésus est le temple. Jésus est le sacrifice. Jésus est le sacrificateur. Où se trouve le sacrifice que Jésus a offert? Ça, c'est une bonne question qu'il faut répondre. Parce qu'il faut un agneau quelque part. Alors, dans le ciel se trouve un autel, dit la Bible, où l'agneau est couché là-bas, ensanglanté. Savez-vous ça? C'est pas ça, frère? Comment tu lis ces mots? Ça, tu n'as jamais lu cela? Il y a le temple, le sacrifice et le sacrificateur. Oui, un sacrificateur c'est celui qui vient offrir un sacrifice, n'est-ce pas? Il vient offrir que ce soit dans l'ancienne alliance, c'est ça la définition d'abord. Pour que ce soit dans la nouvelle alliance, que ce soit dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, c'est la même chose. Si je suis un sacrificateur, je suis là pour faire des sacrifices. Un sacrificateur c'est quelqu'un qui se charge des sacrifices. Sacrificateur, il apporte des sacrifices. Il y a un lieu où il doit apporter les sacrifices. Et ce lieu-là est appelé consacré comme autant un autel. D'accord? C'est quand même une bêtise que les pasteurs ont fait aujourd'hui. Alors, c'est comme ça qu'en 205, on va commencer avec l'histoire des pupilles. Dans l'an 200, c'est tout juste en 205, on va commencer avec l'histoire des pupilles. Qui vont fabriquer un lieu, après on fait cela, on met un endroit, on va s'asseoir pour prêcher. Parce qu'on a copié ça comme ça du paganisme avec, chez les Grecs, les lieux où on s'asseyait pour faire les discours. Chez les Grecs, on fait la même chose. On va aller avec, je vous ai donné des versets, d'abord vous devez encadrer, on va balancer dedans, on va voir. Alors, maintenant, regardez très attentivement, j'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ est le sacrifice. Alors, il faut qu'il soit offert quelque part. Parce que les sacrifices sont offerts quelque part par un sacrificateur. Et ce lieu-là est appelé autel, où les sacrifices doivent être déposés pour être agréables avec le Dieu qui est derrière. Allons dans l'Apocalypse. Chapitre 5. Apocalypse de Saint Jean. Saint Jean l'évangéliste, comme les catholiques le disent. On avance. Oui, on avance. Je vais partir verset 1 et puis on va se rencontrer quelque part là-bas, d'accord? Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'est plus ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne crains point, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Souligné. Vous avez vu ça, non? Vous avez vu là où il se trouve? Il était exactement là, remarquez très attentivement. On dit qu'au milieu de l'autel, regardez bien, on n'a pas utilisé le mot autel ici. On dit au milieu du trône, et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, c'est-à-dire qu'il y avait un endroit où l'agneau était là, comme immolé, ensanglanté. Donc, il avait 7 cornes et 7 yeux, c'est ça non? Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et chantaient un cantique, n'est-ce pas? Nous avons vu cela. Donc nous voyons effectivement que l'agneau était là comme immolé. Il méritait déposé quelque part. Alors au chapitre 6, je vous ai donné quelque part, chapitre 6 aujourd'hui de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Je vous dis, verset 12 aujourd'hui. C'est ça? Et souvenez-vous, il est question de prendre que l'agneau prince là pour ouvrir les 7 sceaux. Maintenant, verset 6, chapitre 16, ici, verset 12. Il dit Gérémie. Apocalypse. Apocalypse toujours, chapitre 5. Je vais te donner ça aujourd'hui. Chapitre 6, maintenant, verset 12. Oui, 6-9. Hein. Allons dans le chapitre 6, 9, verset 9, avant de continuer. Regardez. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Vous voyez? Donc il y a un endroit qu'on appelle sous l'autel, que ça ne se trouve pas sur la terre, ni loin dans le ciel, en principe. Ils voient ça quelque part. Où sous l'autel se trouvent les âmes de ceux qui ont gardé, qui ont été immolés par la parole à cause du témoignage dont ils ont rendu. C'est une autre explication à donner. Et ça, ce sont les juifs. Il y en a là-bas, ce sont les juifs. Maintenant, regardons verset 12. J'ai regardé quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir et un sac de crainte, ainsi de suite, comme il avait été, n'est-ce pas? Alors, ce verset 9, d'abord, en restant dans le verset 9, on voit effectivement qu'au ciel, il y a un hôtel où quand on immole les gens sur la terre, qui, d'après la parole de Dieu, ils vont là-bas. Sous l'hôtel du sacrifice. Enfin, il y a une explication par rapport à l'autre, si parce que ce sont les juifs. Pour les chrétiens, ils ne passent pas comme ça. Là, ces chrétiens ne passent plus sous l'autel parce que Christ est allé sur l'autel pour eux. Ils ne peuvent plus être sous l'autel. C'est merveilleux seulement. Alors, dans l'autre passé, c'est quoi, frère? Non, c'est de la nourriture. Il dit encore une fois que c'est le jour d'apprendre vraiment. Le temps pour manger. C'est pour ça que je suis en train de glisser rapidement là pour sortir de ce livre. Je ne laisse pas les soeurs. Est-ce qu'elle dit comme ça, la sœur-là, derrière son mec, qu'est-ce qu'il raconte sur lui-ci? Apocalypse, le prochain verset d'Apocalypse. Regardez. Le prochain verset d'Apocalypse. Oui. Apocalypse 8. 8-3. Écoutez maintenant, ce qui est là, c'est que notre autel qui est au ciel, qui nous représente, et où Jésus se trouve, parle. Donc, on va avoir une révélation ici, où même l'autel finalement parle. Donc, l'autel même sur lequel le sacrifice du Seigneur Jésus est déposé parle. C'est terrible. Maintenant, regardons. Chapitre 8, verset 16, c'est ça? Verset chapitre 8 d'Apocalypse, verset 3, regardez. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc, toutes les prières que nous faisons sur la terre, les anges le reçoivent, ils partent devant l'autel qui se trouve au ciel pour présenter. Vous savez ça? Les prières des saints. Si on entend ces choses, on doit prier davantage. On doit prier dans la terre. Aucune des prières, aucun des sujets des jeunes qu'on fait sur la terre de la bonne façon n'est perdu devant Dieu. Il y a un jour. Quand on lit dans la Bible, on voit effectivement comment le cas de la Luc chapitre 1, le cas d'Élisabeth qui n'avait pas d'enfant et son mari Zacharie qui n'a pas d'enfant. Un jour, il offrait comme ça le parfum et subitement l'ange Gabriel s'est présenté devant lui que ta prière a été exaucée. Or, il n'a pas prié seulement ces jours pour avoir un enfant. Il a vécu, il avait presque 85 ans, il n'a pas d'enfant. Imagine depuis 25 ans, 26 ans, 27 ans jusqu'à 85 ans, un jour, il arrive que ta prière a été exaucée. Donc, toute la somme de prières qu'il a faites, ça n'avait jamais été oublié. On dit Dieu se souvient de Sarah parce que sa prière, c'est le moment d'exaucer sa prière. Donc il ne faut pas baisser les bras lorsqu'on est en train de prier. D'accord? Nous avons un autel dans le ciel. Amen. Amen. Maintenant, regardons. Le prochain verset, c'est quoi? Vous avez effectivement qu'il y a les anges sur l'autel. Il y a un autel là-bas. Nous sommes dans le ciel là, n'est-ce pas? Oui. Continuons. 8-5. Prochain verset. 8-5. Regardez. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel. Et le jeta sur la terre, il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Donc on voit effectivement que sur cet autel-ci, il y avait du feu. Donc dans le ciel, il y avait l'autel avec du feu dessus. On avance, prochain. Prochain, c'est 9, verset 13. Nous sommes dans l'Apocalypse toujours. Ce sont les versets que je vous ai donnés dès le départ. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel. D'or qui est devant Dieu. Vous avez vu cela? Hein? J'ai toujours lu ça, mais je n'y comprenais rien du tout. Et les 27 vieillards et les histoires de l'hôpital, je n'y comprenais rien du tout. Pourtant, ça a du sens, n'est-ce pas? Oui. Rendons grâce à Dieu, n'est-ce pas? Oui. Continuons. Prochain verset, chapitre 3, 11, verset 1. Verset 1. On me donna un roseau, chapitre 11, de Apocalypse. Il dit, ce que je suis en train de lire là, c'est les versets que je vous ai donné tout à l'heure. Mm-hmm. Apocalypse, chapitre 11, verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Vous avez vu cela? Le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Continuons. Combien de fois la prochaine verset? 14, 18. Vous serez surpris tout à l'heure. On avance, vous allez voir. Vous allez aller surpris en surprise. Et un autre, justement, non, c'est 14, le verset 18, c'est ça, non? Oui. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange la grappe de la vigne, de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Là, c'est le jugement, ça continue. Ce sera terrible. Continuons, continuons. 16 et 7. Regardez. Et j'entendis l'autel qui disait. Remarquez, je remarquais tout à l'heure que depuis, on entendait une voix qui sortait de l'autel. Oui. Maintenant, directement, c'est l'autel qui parle. Regardez vous-même. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. On dit que c'est l'autel qui parle. Donc, arrêtez, tout dans le ciel est vivant. Tout dans le ciel est vivant. Okay. Donc, dans le ciel, l'autel qui est dans le ciel parle. Sous cet autel est un agneau qui parle. Donc, l'intercession. Oh, c'est merveilleux ça. Prochain verset. Hébreux chapitre 7. Donc, en clair, dans le ciel, nous voyons effectivement qu'il y a un autel dans le ciel où les sacrifices sont encore apportés, qui sont en réponse de prière, les requêtes sont apportées devant ces sacrifices. C'est pour cela qu'on peut être favorable encore ici sur la terre parce qu'il y a encore l'intercession en haut. Ce n'est pas l'intercession en haut, c'est le jugement. S'il n'y a plus les chrétiens ou bien le besoin d'intercession en bas, c'est qu'on supprime sur le jugement. On n'a plus besoin de cela. Amen. Alors, il y a une question qu'on a posée aujourd'hui. Sur la terre, le chrétien a-t-il un lieu physique appelé autel? Jésus répond dans Jean chapitre 4, à la femme samaritaine, non. Que c'est l'heure de l'esprit, de l'adoration en esprit et en vérité. Cette réponse conduit au questionnement par rapport à notre adoration, d'adoration aujourd'hui. Comment nous continuons à adorer comme dans l'Ancien Testament, alors que l'Ancien Testament nous annonçait l'adoration en esprit et Jésus vient nous dire, voici son heure qui est arrivée, on continue à construire les autels aujourd'hui. Alors, ces autels sont construits au Dieu étranger. Ces autels sont construits au Dieu étranger. Hébreux, c'est là on va toucher les passages que nous avons fait. Hébreux chapitre 13, vous allez voir ce que l'apôtre Paul lui va dire. Hébreux chapitre 13, je crois sur le verset 10. Je crois que je vais seulement le citer, vous allez vérifier maintenant. Dans ce Hébreux chapitre 13, le verset 10, pendant que vous ouvrez, il dit que nous avons un autel. Je veux que vous ouvrez, vous ouvrez. Nous avons un autel, frère. Donc ceux qui font le service n'ont pas le droit de dire. De manger, n'est-ce pas? Non, pas le pouvoir. Le pouvoir. J'aime ça. Non, pas le pouvoir de manger. Pourquoi en réalité? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 10, que nous avons lu tout à l'heure, verset 18, à l'entrée ici, il a dit que regardez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes sacrifiées ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ça, il dit que l'Israël selon la chair, donc c'est dans la loi. Parce qu'on venait offrir le bœuf. Par exemple, si on ouvre le bœuf, là, sur cette chaise-là, lorsqu'on finit d'offrir, les gens prennent ça, les sacrifices prennent pour aller manger. Parce qu'on a dit que c'était leur portion, c'était leur nourriture. Oui. On a fini d'offrir, ça revient à eux parce qu'ils mangent. Oui. Comme c'était Dieu qui le faisait. Alors ici on dit que nous maintenant, les chrétiens, parce que c'est les Israélites, nous maintenant, nous avons un autel auquel ceux qui font le service n'ont pas le pouvoir de manger. Oui. Alors ça suppose que ce n'est pas physique. Notre autel n'est pas physique. Parce que les victimes qu'on ouvre, lorsqu'on dit que sur la terre, lorsque quelqu'un se repent, il y a de la joie devant le Seigneur. Parce qu'on a amené, avant qu'on présente des victimes vivantes à Dieu. Lorsque une personne qui a ramené quelqu'un du péché, prend ce péché-là, ce pécheur-là, il va devant le Seigneur, on le met devant le trône des sacrifices. On ne peut pas le manger. C'est plus possible de le ramener ici-là pour le manger. D'accord? On se comprend jusque-là. Il dit, nous avons un autel. Nous. Il dit clairement que les chrétiens ont un autel. Mais il veut signifier que l'autel que nous avons, ce n'est pas comme pour les juifs, ou quand on finissait de présenter les fruits, ce n'est pas un autel physique. Il dit, on n'a pas le pouvoir de manger cet autel-ci. Amen. Lorsque vous mettez quelqu'un sur votre cœur, vous dites, oh Seigneur, pardon cette personne qui m'a offensé, pardon, pardon. On ne peut pas enlever sur le cœur et manger. Parce que ce n'est pas l'hôtel où on puisse manger. On n'a pas le pouvoir. Il n'a pas dit, on a un hôtel où on ne doit pas manger. Alors maintenant, les pasteurs, ne comprenant même pas cela, disent, dans les vidéos, que chacun a peur, ne met pas le pied sur l'hôtel, ne peut commencer. Pas n'importe qui monte à l'hôtel. On mystifie le satanisme. Et chacun ne part pas là-bas. Quand vous avez votre manche, tu ne montez pas ici. Quand vous allez prier, venez ici comme ça, là, venez ici à l'hôtel, même quand le pasteur parle, venez prier, parce qu'ils savent qui est derrière. Dieu a dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Je ne peux pas comprendre cela. Ou le frère devrait être adoré en esprit et en vérité. C'est ça que lorsqu'une personne me pose la question, vous voyez, lorsqu'on a fait ces choses-là, lorsqu'on n'a pas compris, on aura toujours les mêmes problèmes. Parce que si on pose les questions du Nouveau Testament, ils n'auront pas de réponse. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est au lieu des hôtels. C'est pour ça que Samuel pouvait monter à Rama. Il pouvait aller à Gilgal, dans le lieu où Dieu, le nom de Dieu était invoqué. Pourtant, le Dieu est esprit et tout moment, on peut l'invoquer n'importe où, il répond. Pourquoi c'est seulement là-bas spécifiquement qu'on allait l'invoquer? Parce que là-bas c'était désigné de façon spécifique pour les concentrer vers une chose bien précise. Alors, dans la nouvelle alliance maintenant, Jésus dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis présent. Si c'était comme ça, on bâtirait les hôtels à Jésus-Christ n'importe où. C'est quand même terrible, pas vrai? Donc, c'est que tu vas aller au champ comme ça, quand tu pouvoir prier, vous êtes deux, tu creuses un trou là-bas, tu mets un seul, Seigneur, tu es ici. C'est comme ça. Tu veux aller dans l'avion, tu sais que tu vas même transformer les chaises de l'avion en hôtel. Tu vas aller dans la voiture, tu transformes les roues de voiture en hôtel. C'est dans quel monde c'est l'idolâtrie, ça, pas vrai? Il dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Alors maintenant, quand les serviteurs de Dieu aujourd'hui disent que ne venez pas ici à l'hôtel comme ça, ne venez pas avec le même vide, c'est parce qu'ils ont pris ça comme un haut lieu, un lieu de rencontre. Alors toi, avec cette pensée de l'Ancien Testament et paganisée, on croit qu'en quittant de la maison pour aller à cet hôtel, c'est le lieu de rencontre du Seigneur. En allant, il est en route, il rit. Parce qu'il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du mois. La promesse est donnée. Vous voyez là, n'est-ce pas? Et par conséquent, si nous deux nous retrouvons ici, nous prions et que Dieu exauce, et que il faut nécessairement, les gens disent qu'il faut nécessairement aller devant l'hôtel là, que là-bas c'est privé et que c'est sacré, il y a vraiment un problème. Sur la terre, les seuls lieux sacrés maintenant, c'est le cœur des chrétiens. Il n'y a pas un lieu physique qui est sacré. Parce que le chrétien est le temple, le lieu de résidence de Dieu. C'est la demeure de sa sainteté. Amen. Alors, vous lisez après les apôtres, donc l'apôtre Paul va entrer à Athènes. C'est, je vous ai donné ça, vous n'avez pas besoin de noter, c'est pour ça que je vous ai donné le verset. Dans Actes des apôtres, donc l'apôtre Paul va entrer à Athènes au chapitre 17. Il va parcourir la ville était pleine d'idoles, exactement comme nous avons là-bas. Donc ça veut dire que si on enlève les bâtiments qui couvrent là, les lieux que vous avez, ce sont les idoles. C'était plein d'idoles. Allons lire là-bas, vous allez voir effectivement que nous sommes à Athènes. Actes des apôtres, madame. Ne me calmez même pas parce que je me sens bien déjà à l'aise. Non, il ne faut même pas te calmer, mon père. On avance là. Oui. Acte chapitre 17. Il faut l'appeler mon père, pas mon père. Non, ça vient sur le tendance, mon fils. Parce que l'autre pasteur l'appelait Daddy. Laisse-moi tenter. Maintenant. On avance. Acte 17. 17. Je vais prendre maintenant à partir du verset 16. On va lire doucement pour y entrer, d'accord? Comme Paul les attendait à Athènes, nous avons, vous avez vu, n'est-ce pas? Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Aujourd'hui, nous sommes habitués au point où ça ne nous dit absolument rien. On a trouvé le nom moderne, monument de la réunification. Pour eux, c'est encore mieux. Monument de ceci. C'est quoi? Place de la République. Place ici Saint-Pierre avec les grosses statues là-bas. Ça ne dit rien à personne. Après, pour avoir vu cela, c'était terrible devant lui. Il dit cette ville pleine d'idoles. Il s'entendait donc dans la synagogue avec les juifs et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Les gars sont habitués avec les divinités, point où quand ils parlent, vous parlez, mais c'est quand une nouvelle Dieu dont tu parles. Vous pouvez imaginer comment les hommes peuvent être dans la ténèbre. Maintenant, continuons, verset 19. Alors, il le prie. Et l'amenait à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Donc il y avait un endroit élevé dans leur ville, en plein air comme ça, où tu viens, tu montes un peu là-bas, c'est un peu plus haut, un peu comme les pasteurs font le stade aujourd'hui. Il dit, tiens-toi là-bas, c'est que tu bavades là, dis-nous donc les choses que tu enseignes. Maintenant la Bible déclare verset 20, car tu nous fais entendre des choses étranges. Donc la résurrection, là, il ne connaissait pas des mystiques comme ça. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Comme les Bensignés font aujourd'hui, ça revient devant les tous, ils bavardent toute la ville. Paul, debout, au milieu de l'aréopage, dit « Homme Athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Vous voyez cela? Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, donc quand tu entres chez quelqu'un, tu peux savoir si celui-ci craint Dieu ou pas. Il dit « En parcourant vos villes, en observant les objets de votre dévotion. C'est-à-dire, qu'est-ce qui attire l'attention? Qu'est-ce qu'ils aiment plus? Vous voyez? Tu viens chez un chrétien, tu vois les dispositions, les choses qui sont dans la maison, tu sais clairement qu'en réalité, il y a tout. Il a tout de Jésus dans la bouche, sauf dans son cœur. Vous voyez cela? Là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Continuons. Il dit, Paul debout, il dit, verset 23, car en parcourant votre ville Et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Vous avez vu cela? Ils avaient conçu, ils ont tellement eu des divinités, parce que, ils ont dit que même un Dieu qu'on ne connaît pas, voici sa porte d'autel. Il ne faut qu'il se fâche. Amen. On le connaîtra un jour. On le connaîtra un jour. Voilà. Voilà son autel. Alors, l'apôtre Paul va profiter de cette faille-là, le fait qu'un Dieu inconnu, il dit maintenant, la suite dit, ce que vous révélez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Il est parti de là. Enfin, il avait dit, votre attention, vous aimez, vous voulez servir quelqu'un, mais vous le faites mal. Je vois que vous avez Dieu, ça c'est Dieu ceci, Dieu Apollon, Dieu ceci, Dieu Saturne, Dieu ceci, Dieu Mars, Dieu Vénus. Oui, vous voulez dire Dieu. En fait, je vais vous parler de qui est ce Dieu-là. Mais Satan avait déjà pris la place, les ténèbres avaient d'abord commencé le règne dans leur cœur. Il fallait que maintenant que la lumière vienne pour éclairer, pour que les autres petits dieux là puissent se disperser. On avance. Alors, il dit, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Ceci devait régler le problème de domination là maintenant. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Oui. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point. Tu as vu ça, ma chère? C'est dans ta Bible, n'est-ce pas? Non, je m'en vais dans la maison de Dieu, c'est où? Je lui ai posé la question la dernière fois que dans même le cinéma qu'on loue, elle est dedans. Et elle dit oui, il regarde seulement comme ça, il dit oui. Vous voyez comment les pasteurs peuvent manipuler les esprits des gens. Voici l'autorité d'après qui dit le Dieu qui a fait les cieux et la terre, les cieux et toute la terre, étant le Seigneur de tous, n'habite point dans les maisons faites de main d'homme. Non, vas-y, son hôtel où il habite là-bas déjà. Elle a dit, continue en disant qu'il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est ce qui est écrit là-bas. Verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous, la vie, la respiration et toutes les choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bonheurs de leur demeure. Donc Dieu a décidé que voici ton moment qui commence, voilà ton moment qui s'arrête. C'est ce qui est écrit. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit point loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. De lui, nous sommes la race. Donc, vous voyez, l'apôtre Paul parle. Mais comme il sait que ce sont des Grecs et qu'ils connaissent les poètes, il cite une pensée de poète. Pourquoi on dit que le poète a été inspiré du Saint-Esprit? Il dit que le poète, il voulait dire telle chose. C'est ça qu'il voulait par là dire. Et c'est le poète Aratos ici que l'apôtre Paul a cité. Le philosophe Aratos. Il a cité dans un livre qui apparaissait au Mala, au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Oh mon Dieu. En fait, l'apôtre Paul cite ceci, c'est contenu dans la Bible, dans le. Quoi qu'il va aller doucement. Il dit quand il suivait vu là, ça, c'est comme si c'est la voiture qui est en troisième. C'est là où je comprends plus. Donc l'apôtre Paul cite dans ce verset, c'est ce qu'on dit, c'est un niveau pour de lui, nous sommes la race. Il cite comme ça le poète Aratos qui a écrit son ouvrage intitulé Phénomène. Si vous prenez le livre Phénomène, vous allez voir cette phrase dedans que l'apôtre Paul a cité. C'est paru au deuxième siècle avant le Seigneur Jésus-Christ. Ce poète-là. Alors il dit ici que de lui nous sommes la race. Il dit que c'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. Donc l'apôtre Paul connaissait exactement ce qu'il disait. Quand il disait le livre, il dit que vous bavardez toujours comme ça. Donc il fait comme ça, il est pour le flatter. Il parle comme ça, il veut le flatter. Il dit mais donc nous-mêmes, nos poètes connaissaient ces choses-là. Oui, c'est ce qu'il voulait dire par là. Pour vous parler comme ça, il les tourne, il les amène à l'évangile. Amen. Juste là, quand il cite les poètes, il cite des grandes intelligences, ça ne les dérange pas. C'est qu'elle va toucher une histoire maintenant qui dérange, que chacun va dire ok, bien, on a compris le journal. Verset 29, ainsi donc, étant la race des dieux, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Ça devait régler le problème, pas vrai? Nous parlons de l'autel. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Quelqu'un dit maintenant. Maintenant. Voilà. Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Donc, que tu sois n'importe où, que tu sois n'importe comment, tu dois te repentir. Il dit maintenant. Après, il dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous, une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'il entendit parler des résurrections des morts, les uns se moquaient et les autres disaient, t'entendront là-dessus une autre fois. Amen. Ils ont dit, ok, donc ton discours n'était pas arrivé ici. résurrection de mort, ta gueule hier, ouais. Et puis tu parles de résurrection. Parce qu'on sait, personne n'est jamais mort et revenu. Amen. L'autel n'est pas physique. Dieu n'est pas une fabrication, quelque chose que quelqu'un puisse faire pour que Dieu y arrive. Alors, prendre un bracelet, fabriquer de la tête, que Dieu habite ici, ça va te protéger, c'est une bêtise. Non, je parle de eux, c'est eux qui pensent, c'est les Grecs qui pensent, c'est pour ça qu'ils sont partis de la Paul. Mais ils croyaient quand même à un Dieu qui aime. Mais tout cela est sorti quand même, c'était parce que plus loin on dit que. Exactement, quelques-uns quand même le suivaient et plus, s'attachaient à lui et plus. Ouais, c'est bien ça. Quelques-uns néanmoins s'attachaient à lui et plus. Comme quoi, quand la vérité sort, il y a des gens qui ne vont pas écouter, il y a des gens qui se destinent. Et la grande majorité a fui. Ça a pris un petit. Il avance seulement avec cela. Même si on, dit, on a dit que tu es fou, nous ne voudrons pas de Dieu. Peut-être d'autres vont dire que non, non, et puis que rien ne disait pas cela. Ils auront beau dire un peu que débat, la vérité est la vérité. Dieu a déjà nettoyé son air. Il a placé le grain. Il avance avec cela. Vous continuez comme ça, avec votre sagesse, vous allez à la perdition. Voilà pourquoi l'évangile est prêché. 1. Proclamer le jugement, assis des bruits à la maison. Alors, il n'y a pas d'autel des chrétiens, un lieu physique appelé sur la terre, autel où les chrétiens doivent adorer. C'est l'idolâtrie. Et comme on dit souvent que il faut que chaque chrétien ait, oui, c'est toujours, ça revient à la question. Est son hôtel. Oui. Alors, son hôtel où? Est-ce que tu as un hôtel à la maison ou dans ta chambre où tu vas rencontrer Dieu? Il y a des pasteurs qui ont trouvé des stratagèmes pour avoir de l'argent. D'autres enseignent un style d'enseignement, ils intitulent hôtel contre hôtel. Puis il y a des sorciers qui ont bâti un hôtel en ton nom. Et te donne l'autel de malédiction. L'autel de ta famille parle contre toi. L'autel de la malédiction parle contre toi dans ta famille. Des pasteurs font des séminaires sur ça. Et après, ils disent que monter notre autel du sacrificateur. Donner donc le sacrifice pour renverser cet autel-là et bâtir notre sacrifice. Oui, on vous fait sortir de quitter chez les Satan dans un domaine de prison pour aller dans la grande prison. Prison religieuse. Parce qu'ils disent que l'expression qu'ils utilisent, c'est que. Il faut que ton autel, soit supérieur. Ton sacrifice, oui. Parle plus fort que l'autel qui a eu que oui, le parent Céline, n'est-ce pas, quelque chose comme oui, ça. Oui, pour que ça puisse dépasser l'autel. Oui. Et vous avez remarqué que tout ça tourne autour de l'argent. Et tout à fait, ils disent que si le diable a sacrifié le bœuf pour t'avoir, il faut prendre quelque chose qui est supérieur au prix du bœuf. Au prix du bœuf, tu ne peux pas chercher à récupérer. Moi, je vous pose une question. Ça avec l'œuf. Moi, je vous pose une question. Vous venez me déranger avec les questions. Pourquoi à eux, vous ne posez pas la question que où est un seul verset biblique qui parle de cela? Le problème, c'est que ils ne laissent pas, c'est un dimanche, ils ne laissent pas. Oui, frère. Nous sommes d'abord, on méconnaît déjà cette parole, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la parole. Oui. Parce que c'est quand tu enseignes comme ça, oui, que les esprits sont ouverts. Oui. Il y a beaucoup de passages ici. Oui. Que moi, bon, c'est vrai, je connais un certain nombre de passages, mais il y a beaucoup que je suis en train de produire. Oui. C'est ça qui est vrai. La majeure partie de toi-même, tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il n'encourage même pas à lire la Bible. Oui. Hein? Il multiplie les programmes pour que vous soyez payé. Voilà, dans le développement du frère Achille. Il a bien cité Josué chapitre 1, verset 8, oui, qui normalement nous recommande à tout chrétien de lire la parole, d'être assidu, d'assister. Donc nous sommes désobéissants. Voilà, nous sommes désobéissants. Et si vous êtes désobéissants, les pasteurs vous parfaits de vous désobéissants, on prend l'argent. Je pense que au-delà de la désobéissance, il y a aussi, comme nous avons mis notre cœur, notre croyance en ces pasteurs, oui, avec la vérité que dans ces hôtels-là, oui, il y a déjà des esprits, c'est-à-dire des démons. Oui. Donc nos esprits même sont déjà sous contrôle. Sous le contrôle, exactement. Ça fait qu'on n'arrive pas à prendre la décision même d'aller. Tu veux même aller lire, mais les gens là te découragent de lire. Parce qu'ils croient qu'ils doivent lire pour vous. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Écoutez-moi, Église. Toute personne qui offre un sacrifice pour n'importe quoi dans la nouvelle alliance, croyant rendre un culte à Dieu avec cela, de cette façon-ci, tente Dieu, insulte Dieu et est appelé dans la Bible incrédule. Parce que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ est suffisant, définitivement, pour pouvoir résoudre tous les problèmes. Donc, s'il arrive que vous venez de sonner un sacrifice, sachant que toi, pour que tes péchés soient pardonnés, ça c'est la plus grande malédiction que quelqu'un puisse prendre. C'est la plus grande malédiction. Donc, tu en avais dit que le sacrifice de Christ n'était pas complet. parce que son sacrifice est total, absolument total, pour effacer tout péché, briser toute malédiction. Et la Bible déclare, maintenant donc, considérez-vous comme mort à Christ et comme vivant pour Dieu, que le péché donc ne règne donc plus dans votre corps mortel. Alors il n'y a pas un hôtel qu'un chrétien doit bâtir, qui doit parler plus que le sacrifice des satanistes. C'est comme Tony me disait dernièrement que le 24 au 25, parce que là où il habite, là-bas c'est le catholicisme qui bat son plein. Oui. Et sa tante de lui dit qu'il faut que tu t'inscrives pour le catéchèse. Oui, pour la catéchèse. Oui. Il m'a appelé, il a dit que moi, hein, je ne suis pas d'accord. Mais dans tous les cas, c'est pas, il ne me revient pas de décider. Contacte ton père. Contacte ton père. Oui. Il a dit ça à son père. Son père a appelé sa grande-sœur pour dire que je t'ai donné mon enfant pour qu'il aille à l'école chez toi. Et non, que tu l'amènes se faire baptiser chez les catholiques. Les histoires de baptême, arrête ça. Je ne voudrais pas qu'on en parle. Il me dit donc que ils ont, parce que comme elle est huissier de justice, et elle vraiment, elle pense qu'elle a de l'engouement dans le service. Donc elle est engagée. Elle est engagée. Étant intellectuelle. Elle est allée construire. Donnie me dit qu'elle a construit la statue de Marie. Grandeur nature. Grandeur nature. Et le prêtre même a dit que dans tout le littoral. Ta parole est grave. C'est la statue la plus grande. Donc elle a investi de tout son argent là-dedans jusqu'au point où, comme elle est catholique, oui, les enfants ont même eu du mal à manger à cause de la statue. À cause de tout de l'argent qu'elle a dépensé pour construire. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre, étant le Seigneur de tous, n'habite point dans le temple fait de main d'homme. Il n'est point servi par un homme, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui lui donne la vie à tous. Dit la Bible. Amen. Je ne voudrais pas qu'on sacrifie, parce que vous, tout ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, dit la Bible. Oui. Oui, et à l'église, on nous parle souvent des autels, oui, que nos ancêtres nous ont scellés. Oui. Voilà. Donc, on peut dire, peut-être dans ma famille paternelle. Oui, je comprends. Mes parents m'ont scellé, ils ont eu fait des autels. Absolument. Voilà. Par rapport à la génération. Oui. Bon, la famille maternelle aussi, ils ont fait. Oui. Bon, maintenant, ils disent que quand nous venons maintenant dans la maison de Dieu, oui, nous venons briser ces autels. On doit briser ces autels. Oui. Comment? C'est là où c'est le comment qui est intéressant. Voilà. En présent, on doit briser les autels. Il faut qu'on explique quelque chose. L'autel dans la Bible, dans la pensée de Dieu, a évolué. Pour Satan, n'a pas évolué parce que Satan n'a pas de plan qu'il en est de faire. La même idolâtrie qu'on a fait dans l'Ancien Testament sur Moloch et au-delà, ça a pris des noms modernes maintenant avec le Beyoncé et au-delà qui font la même chose. Comprends, n'est-ce pas? Ils ont fait ça moderne. Il y a des émissions American Idol. Donc vous quittez ça en brousse parce que tout le monde va aller en brousse pour aller adorer. Vous adorez maintenant que devant le petit écran. Vous entendez que j'adore Serena. J'adore 24 chrono. J'adore le football. J'adore. Vous entendez le mot qu'on utilise, non? Vous entendez quelqu'un dire que j'adore ce cinéma. J'adore l'orange. Donc, comme c'était l'arbre en brousse, tu ne vas pas en brousse pour chercher l'orange. On monte dans la télévision. Tu adores une fois. Parce que ton cœur était en brousse lorsque tu. Tu es revenu en ville. Oui, tu es revenu en ville. Tu ne continues que l'adoration. On se comprend. Donc Satan, il n'a pas évolué. C'est la même chose, la même adoration, parce que c'est le même hôtel. Il construit beaucoup de hauts lieux pour qu'on puisse adorer. Il y a plusieurs hauts lieux maintenant. Le grand haut lieu se trouve en pleine télévision. Le grand haut lieu, le plus grand, le lieu sur le summum, se trouve en télévision. Va regarder combien de personnes, quand il y a un truc comme Jeux Olympiques ou bien un grand match de football, Barcelone, Chelsea. Tu regardes combien de personnes sont devant l'écran. On dit que 200 millions de personnes sont devant le petit écran maintenant. Les téléspectateurs sont là maintenant. Regardez le stade, on dit que le stade est plein à craquer. 50 000 places assises. Et ils sont allés voir comme ça, quelqu'un qui a dépoussé le ballon. On marque, tout le monde vibre parce qu'il y en a la sueur. On boit la bière à gogo. On bagarre par la suite. On a dépensé, d'autres ont acheté le billet longtemps, même 4 mois avant, pour pouvoir avoir la place à l'intérieur. Pour faire ces choses de 90 minutes là-bas, crier des tue-têtes. Faire la même chose maintenant que venez en même temps écouter l'évangile, si quelqu'un viendra. Et là, c'est gratuit qu'on doit venir. Ici, on paye. Donc, tu payes pour aller adorer. On dit même les dieux du football. On dit que ça, c'est une star du football, une étoile du football. Je ne sais pas si vous comprenez le langage. Que c'est les dieux du football. Les Eto'o Ronaldo, ce sont des dieux du football. C'est moderne, ça. C'est les Moloch. Hein? ce sont eux là-bas, les dieux enfants. Ce sont eux qui se trouvent là maintenant en plein. Alors il peut faire des gestes que personne ne veut. On dit, mais il dit, c'est un génie. C'est un génie. Génie militaire. Ou un génie légitime. Donc alors, les divinités démoniaques se trouvent investies dans le corps. Alors, vous pouvez les voir sur les cahiers des enfants. On achète des cahiers, on donne des calendriers à la maison. Les gens veulent acheter, waouh, Jenny fait le père, on met. Regarde la forme de cette fille, c'est sa beauté, mais tu seulement. Elle est là-bas. Vénus a été investie dans le corps. Vénus, parce qu'on sait que tu as dit Vénus, quelqu'un ne doit plus aller là-bas. Alors, il envoie ça dans le corps. Alors, tu adores Vénus au travers d'une femme. Vous me suivez ça? Oh, Aphrodite. La fille, si elle a les yeux aphrodisiaques, là, voilà, à l'intérieur. Vous me suivez? Alors, cette divinité-là n'a pas changé, l'autel de Satan n'a pas changé, mais pour Dieu a évolué. Par conséquent, donc, pour les grandes familles au là-bas, puisque les grands-parents sont des païens, sont des cultes païens, ils conduisent la même divinité. Et par conséquent, ils mettent tous leurs enfants et leur génération dans cette divinité-là. Mais la Bible déclare normalement que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais le vrai problème maintenant avec les chrétiens, c'est qu'il faut que clairement, on soit vraiment en Christ. N'est pas en Christ, ça ne peut pas marcher. La Bible déclare en Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 13, 14, il dit, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça se trouve dans la lumière. L'héritage se trouve dans la lumière. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dans ce mot, puissance des ténèbres, citez n'importe quoi vous voulez. Sorcellerie, franc-maçon, magie blanche, envoûtement, poison de nuit, hôtel diabolique, au lieu de mon village, c'est la puissance des ténèbres. Parce qu'il a beaucoup de puissance dans les ténèbres. D'accord? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, si quelqu'un est vraiment en Christ, ça c'est pas là la transition qui a eu lieu. Donc, si tu es dans l'hôtel de ta famille, ça, la magie est brisée. Il te transforme, mais là tu marches en nouveauté de vie. Donc, ce qui veut dire que j'ai pris le droit de dire, je brise l'hôtel de tu vas beau faire comme ça. La première année que vous brisez, c'est à chaque fin de mois ou bien chaque année, vous traversez la même chose, je répète, non? C'est vrai. Alors, parce qu'en fait, on va vous dire que c'est parce qu'on n'a pas semé longtemps. Vous n'avez pas semé comme il le faisait. Nous le ferons. Christ, la Bible déclare, allons-y, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, c'est l'un des versets que j'aime dans la Bible. Hébreux, le chapitre 10, que Dieu vous bénisse. On dit que non. En venant, prenez trois cailloux. Je ramasse trois cailloux aussi. Prenez trois enveloppes. Mettez des montants différents que ça soit croissant. Faites l'effort d'offrir, de mettre dans les enveloppes là, avec notre enveloppe, encore avec vos problèmes dedans. Écrivez tous vos problèmes que vous ne voulez plus avoir. C'est quoi, Seigneur, excuse-moi. Oui. Un jour, ma mère me porte, elle m'amène à l'église, là-bas, je suis un prophète. Je conduis la voiture, boum. J'arrive, je me garde. Après, elle dit que, j'ai oublié, le prophète avait demandé qu'on ramasse sept pierres, sept cailloux. Oui. Qu'on va mettre dans une bouteille d'eau. Donc, on a oublié l'eau. Elle dit que, ouais, non, on n'a pas, c'est pas grave. Il y avait des boutiques, on a acheté de l'eau minérale. J'ai sorti mon argent, j'ai acheté quatre bouteilles d'eau minérale. Et il y avait plusieurs autres personnes qui avaient oublié, comme nous. Elles sont donc descendues parce que l'église là est proche de la boutique. Est proche du marché New Day Do. Ok. Quand tu arrives au camp, non, ne dis pas. Voilà, donc on prend l'entrée là, l'autre entrée du marché New Day Do. N'est-ce pas, les gens se rendent compte de ce qu'ils ont oublié de ramasser les pierres chez eux et descendent. Mon frère. C'était la foule là-bas. Les gens du marché sont sortis. Ils sont là. C'est la sorcellerie. Ah, on croit que c'est la sorcellerie que vous voulez pratiquer dans le marché. Donc, on pratiquait la sorcellerie à l'église et on vient ramasser les cailloux. Voilà. C'est les gens du marché. Monde qui disaient. Les gens du monde. Donc, ils savent qu'on fait la sorcellerie. Ne venez pas ramasser les cailloux ici chez moi. Hein. Allez là-bas marcher. Finalement. Alors, on vous a dit, en fait, les mondes avaient raison, oui ou non? Ils avaient raison, oui. Tu avais ramassé ta part, tu avais ramassé ta part. J'ai dit à ma mère que, quelqu'un me dit, t'as pas un boudin sur la tête. C'est là où je comprends. On s'est mis juste devant l'église, là, là, là. On a commencé à ramasser même les chutes de papin. Les chutes de papin. Même les chutes de papin, vous avez ramassé. C'était pas. On arrive là-bas. Le prophète l'a parlé, parlé. Qu'est-ce qu'il a parlé au juste? Il a parlé quoi, Seigneur Jésus? Il a pris notre argent, après il nous a dit... Non, ne dis pas qu'il a pris notre argent, explique-nous comment il a pris, comment tu fais comme ça, tu as peur? Je n'ai pas peur, je ne me rappelle plus. Hein. Non, non, ok, tu as donné ton argent, oui. Non, non, tu sais quoi, parce que je n'adhérais, je n'ai pas retenu parce que mon esprit n'a pas adhéré. Mais tu vois que quand même, tu n'en adhérais pas, tu as quand même donné l'argent. Non, je n'avais pas donné. Qui a donné? Mais c'est ma mère en a donné, machin. Et quand maman donne comme ça, elle donne pour elle, elle donne pour chacun de ses enfants. Bon, explique-nous, laissons l'argent. Parce qu'en fait, la finalité, c'est l'argent de toute façon. Oui, oui, oui. Qu'est-ce oui. que vous avez fait avec le caillou et au-delà? Parce que oui, voilà l'exemple des hôtels. J'en viens. Il nous dit donc que chacun prenne sa bouteille d'eau. Oui. Ouvrez la bouteille d'eau. Seigneur, si je suis. Comment il s'appelle même? Si je suis le prophète de Dieu, Emmanuel, ou c'est qui là? C'est son nom en fait. Oui. Si je suis le prophète de Dieu, Emmanuel Likusa, que vraiment à travers cette eau-ci que les gens vont boire, que tes enfants vont boire, que ceux qui sont pris en captivité soient délivrés. Que ceux qui n'ont pas de travail, que ceux qui n'ont pas de mari, oh les esprits de stérilité, les esprits de machin. Et là, tout le monde disait Amen. Amen. Moi-même, j'ai crié Amen. La maman voulait pas. D'abord, quand tu as entendu ça, ton esprit n'adhérait pas. Mais quand tu as entendu les problèmes qu'il a cités, oui. Tu as dit que ici, tu n'as pas de solution. Tu sais, c'est comme le frère vient de dire, c'est en fait un effet de foule. Oui. C'est un effet d'entraînement. Oui. Parce que quand tu entends Amen, Amen, attends, si tu dis Amen, ou c'est vrai ou c'est faux, là, je vais faire Amen. Il faut que je reçoive quand même. Il a dit, mettez. Les cailloux. Les cailloux. On a mis les cailloux. Dans la bouteille. Dans la bouteille, on a fermé. Oui. Après, je me suis demandé que, mais. Et si Dessine a fait quoi pour boire? Il a dit que, qu'on mette chez nous, qu'on mette machin. J'ai pris ça. Et j'ai oublié dans ma voiture. Bon. J'ai mis dans la voiture, j'ai oublié. Ça fait près de 3 semaines là-bas. Voire même tout le temps que ma voiture était en panne là, c'était là-dedans. Un matin, j'entre dans la voiture, je freine brusquement et la voiture, la bouteille, ça s'avance. Je regarde ça comme ça, je dis que vraiment, ballon du plage à jeune. Ça a balancé dehors. Peut-être que ça t'a fait tomber ta voiture en panne depuis. Je pense à je balance en brouille, je dis que vraiment ça c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu disais? Sur quelle base tu disais que ça c'est n'importe quoi? Sur quelle base? Je dis que sur la base du fait que ramasser les pierres machin, je n'ai pas adhéré à ça. Moi, je n'ai pas. Alors vous étiez un homme de combien peut-être qui avait apporté ça dans l'assemblée? Oh. L'assemblée minimum 100 personnes. Alors je pose la question, ces 100 personnes chacun a-t-il sa Bible? Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas donc avec les gens, selon vous? Je te dis, c'est la malédiction. La on ne cherche pas. On dit que mon peuple périt faute de connaissance. Maintenant, je vais avoir la connaissance là. Hein? Vous voulez avoir cette connaissance pour ne plus périr, n'est-ce pas? Oui. Quoi que vous allez en découvrir avec les pasteurs plutôt lors qui ont mangé. Non, vraiment, une comme moi, hein. Je pense que comme mon cœur est fait souvent le cœur d'une bassa, bien que je ne sois pas bassa du côté de la mère grâce. Oui. J'ai souvent, je pense qu'un jour même, je vais leur dire que vraiment, cessez de nous embrouiller l'esprit. C'est quelle histoire ça? Franchement. Parce que comme je disais l'autre jour, ma soeur, ma défunte soeur, père à son âme, est allée en France. Elle m'a gardé une veste en peau de serpent. Mmh. Vraiment, c'est une veste, c'est un cadeau, c'est elle achetée. Oui. J'arrive dans cette église-là, je me rends compte que le pasteur-là, il a la veste-là en peau, ou c'est de crocodile, bref, mais c'est la même chose. Oui. Quand je vois, je sens que ça, c'est un truc de valeur. Oui. Et puis, je me suis rendu compte qu'il a le même tissu. Exactement le même tissu, les couleurs ne changent pas sur 3 modèles. Oui. Et les 3 fois que je suis allée faire le culte chez lui, chaque fois qu'il dit qu'il y a un culte spécial, il porte un habit spécial, il porte ce costume. Oui. Ça t'a tilté la tête. Oui, ça m'a tilté la tête. Là, tu fais tout droit devant. Ça m'a tilté. Les gens sont là nous écouter en direct maintenant, dans le monde entier. Ça m'a tilté. Parle-leur directement. Qu'est-ce que tu leur dis? Non, ça commence. On t'écoute depuis. je ne sais pas ce que je leur dis, hein, mais ça c'est, je pense que c'est une révélation. Parce que chaque fois que je vais, le Seigneur, bien que je comprenne maintenant que je ne t'ai même pas affermé, je ne t'ai même pas sur les rails, je suis convaincue que j'ai le discernement. Amen. J'ai l'esprit de discernement. Là, je te pose encore une question. Je mets sur cette rail-là, bien. Mm-hmm. Les pasteurs sont en train de nous écouter maintenant. Mm-hmm. Et ils font ces choses-là. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu leur dis maintenant? Adresse-toi à eux. Non, franchement, là, je leur demande d'arrêter. Mm-hmm. Qu'ils arrêtent. S'ils ne connaissent pas la parole, qu'ils rentrent étudier, qu'ils demandent la connaissance à Dieu. Je crois que le frère s'est couru, c'est contre eux là-dedans. Qu'ils demandent la connaissance, vraiment que le Saint-Esprit les conduise, oui, les enseigne. Mais dans ce cas, avec quel esprit tu travailles maintenant, parce qu'il y a les manifestations. Mais c'est ça, c'est l'interrogation, parce que je me dis que, et ils ont toujours, et ça je me suis toujours dit que c'est un esprit de foule. Oui. Parce que si par exemple nous sommes 1000 ici, et tu te mets sur l'autel, tu commences à dire que l'esprit me dit que il y a un nom, l'esprit me dit PL, PLJ, ou alors PL quoi là, ou M, comme pour dire, appeler le nom de Marius. Mais dans la foule, s'il y a 1000 personnes, c'est normal qu'il y ait un prénommé Marius. Voilà, donc vraiment... Maintenant, c'est pour offrir, si le Saint vient, il dit que okay, quand vous êtes venus tous là, offrir une fois tous les l'argent. Donc, je recommence... Mais ça, c'est de l'escroquerie. Adresse-toi à eux. Dis-leur que le moment que tu es fâché d'eux, qu'il faut qu'ils changent. Dis-le non. Non, vraiment, nous sommes très fâchés. Moi, je suis fâché parce qu'ils nous mènent à la perdition. Mmh. Et de se repentir, d'étudier, de demander au Saint-Esprit de les enseigner. Mmh. Vraiment, et qu'ils se concentrent à chercher les voies de Dieu. Ok, maintenant... Parce que tout ce que... Oui. Tout ce que nous sommes en train d'entendre là est révoltant. Oui. C'est révoltant, franchement. Okay. Et la foule, parce que tout à l'heure, pour ton cas, tu as dit qu'il y avait au moins 500 personnes ce jour-là. Mm-hmm. Ça, c'est son niveau. Il y a des gens qui ont 700, puis d'autres 1000. Alors, oui, à la foule qui suit dans cela, qu'est-ce que tu leur dis? À la foule, je leur demande, je nous demande comme à moi-même de lire la parole de Dieu et de demander l'éclairage du Saint-Esprit. Amen. Puisque vous êtes dans les échantillons ici, frère, apparemment tu es courant. C'est quand la soeur parle, toi-même tu veux parler. Avec toi aussi, à ces pasteurs. Honnêtement, je dis la même chose. Je dis que vraiment, si ces pasteurs, s'ils sont vraiment assortis, c'est-à-dire s'ils sont du monde des ténèbres, bon, qui continuent leur œuvre, seul Dieu va les juger. Amen. Mais s'ils sont dans l'ignorance, vraiment, qu'ils se repentent, qu'ils ne connaissent que ce qu'ils sont en train de faire, vraiment, qu'ils se repentent, et Dieu pardonne celui qui vient vers lui avec un cœur repentant. Oui. Et à la foule, donc, il les suit bêtement. La foule, la Bible est ouverte, c'est-à-dire qu'elle est... Dieu a donné à tout le monde la possibilité d'avoir une Bible. Oui. Donc, ce que moi, je peux demander à la foule aujourd'hui, c'est que chacun essaye de rentrer dans cette Bible et d'essayer de lire, comme la sœur a dit, et de demander l'Esprit de Dieu, le discernement, pour que Dieu puisse les guider à recevoir justement cette parole. Et toi, ma soeur, apparemment, tu es aussi courroucé contre les pasteurs. Dis-le. Tout ce que je peux dire au pasteur, c'est que enfin j'ai compris que c'est le temps du Seigneur. Le Seigneur a voulu que tout soit révélé. Le Seigneur a voulu que tout soit éclairé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes assis. C'est vrai, c'est choquant. Nous sommes dépassés, mais nous comprenons que vraiment, c'est le temps... Le temps est donc, c'est le temps maintenant qu'on se réveille. Et que vraiment, que, bon, comme la parole de Dieu dit, la vérité a éclairé, que nous ouvrons les yeux, vraiment, que les pasteurs cessent d'amener les troupeaux de Dieu dans la perdition. Ils nous ont pris en captivité. Et que ces choses qui nous lâchent, qui nous libèrent. Il y a des autels, il y a des offrandes, des dîmes qu'ils prennent. Et les enseignements qui ne sont pas normaux, vraiment. Vraiment qu'on revienne encore à la base de toutes choses. Donc que chacun revient dans la base. Parce que tout, d'abord, c'est la base. Tout, c'est la base. Si une maison n'a pas une bonne fondation, elle finit par tomber. Okay. Vraiment que nous revenons à la base. Vos pasteurs respectifs, s'ils écoutent ça comme ça, nous écoutez, qu'est-ce que vous leur dites clairement avec amour? Vos pasteurs respectifs, vous tous là. Tout ce que je peux demander, tout ce que je peux leur dire, c'est de se repentir. C'est dessus parce que c'est la seule chose, oui. La repentance qui sauve l'homme, oui. Qui se répand et qui cherche la voie normale, la voie de Jésus, oui. pas la voie des dieux qui nous ont montré, mais la voie de celui qui est mort pour nous, qui s'est sacrifié à la croix de Golgotha, qui a ôté le péché de l'homme. Amen. Oui. Alors vous, pasteur, vous qui prêchez sur autel contre autel, en disant aux croyants de bâtir un autel avec de l'argent, avec des sacrifices, sachez ceci, que Jésus-Christ est notre sacrifice. Il a offert, il s'est offert lui-même une seule fois pour toutes, pour Dieu, comme un sacrifice vivant, saint, agréable, d'une agréable odeur à l'Éternel, de telle façon que c'est suffisant pour le rachat de toutes les malédictions. Donc, cessez de tromper effectivement les chrétiens en disant qu'ils doivent bâtir les autels pour que ça traite les autels qu'on a bâtis contre eux. Nous allons donc sortir avec Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux, le chapitre 10. Franchement, que Dieu vous donne l'apaisement de cœur contre eux et que vous ayez de l'amour pour pouvoir prier pour eux également. Hébreux chapitre 10, vous y êtes. Nous allons lire à partir du verset 11. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service, et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Fin de citation. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a plus un sacrifice que vous allez donner, un autel que vous allez faire pour que vos péchés soient pardonnés, ou bien que le péché de vos grands-parents soient pardonnés, ou bien que ça ôte n'importe quel péché, ou bien vous sous une ancienne alliance. Le sacrifice de Christ est suffisant. Hébreux 10, verset 11 à 14. Donc, cessez autel contre autel. Il n'y a pas d'autel contre autel. Il faut la délivrance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui sont sous la captivité démoniaque doivent être délivrés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la délivrance est donnée gratuitement. On ne paye pas pour visiter quelqu'un pour être délivré. On ne paye pas pour voir les serviteurs dits de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne prennent pas les enveloppes pour recevoir. On ne signe pas les alliances pour pouvoir aller. On n'achète pas l'huile ou bien l'eau pour entrer chez un homme de Dieu. On ne vient pas avec l'enveloppe remplie en disant qu'on ne vient pas chez un homme de Dieu les mêmes vite. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Les chrétiens ne faisaient pas ça. L'apôtre Paul ne faisait pas cela. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est donc la malédiction. Que la lèpre de Géhazi ne vous attrape pas, pasteur. Oui. Et que le Seigneur dit, le corps de l'homme, c'est son temple. Oui. Et le Seigneur Jésus est le sacrificateur. Oui. Il est sacrifié. Oui. Et il est le temple. Le temple. Donc arrêtez de nous dire que la maison, qu'il y a la maison de Dieu. Oui. Arrêtez de nous dire qu'il y a un lieu pour aller adorer Dieu. Il n'y a pas un lieu spécial. Voilà. Le lieu où nous devons adorer Dieu, c'est dans le cœur. Voilà. C'est fort là maintenant. Je crois qu'il faut qu'on coupe ça avant que les pasteurs nous asservent les SMS maintenant. Avec les SMS. De toutes façons, vous pouvez toujours nous contacter. Vous pouvez trouver la suite de ces enseignements-ci dans d'autres parties sur la chaîne YouTube Bamba Iba. Bamba, vous allez sur Bamba Iba dans l'onglet Bamba Iba. Vous tapez B-A-M-B-A espace I-B-A. Vous pouvez également nous contacter à notre adresse Skype en posant toutes les questions. Si vous êtes un pasteur qui voudrait d'autres enseignements ou bien vous repentir, nous sommes disposés à vous aider à marcher dans la voie droite de la part du Seigneur Jésus-Christ. Vous nous écrivez sur Skype. Non, Skype, c'est Junior. Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S avec le chiffre 3. Je recommence encore. Junior s'écrit J-U-N-H-I-O-R-S avec le chiffre 3. Ou bien vous nous écrivez encore des questions ou bien des insultes également comme vous le faites très souvent dans notre adresse Yahoo à Junior. Junior encore, c'est J-U-N-H-I-O-R-S@yahoo.fr ou bien encore vous nous appelez directement en composant l'indicatif du Cameroun le plus 237-6-94-01-94-40. Je recommence encore le 6-94-01-94-40 ou bien le 6-75-87-41-21. Sans oublier le 237 qui est l'indicatif du Cameroun. Nous serons très contents de prier pour vous. Nous serons très contents de prendre votre cas à la main. Nous serons très contents de vous accueillir à la maison. Nous serons très contents de partager avec vous. Nous serons également très contents d'essuyer vos insultes et vos menaces. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, que le Seigneur Jésus vous bénisse et bénisse cette assemblée. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.